comme le monde. La musique existe dès le commencement du temps. Ses origines se confondent avec celles de l'homme. Il s'agit d'un art primitif, dont le rythme est premier. Dans le rythme.